Toute ma sèche, c'est un rire au clair midi de ta beauté. Et comme la feuille flétrie, mais avant tout, il te l'est.